L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Patricia Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'ARSLA, Association nationale de promotion de la recherche contre la SLA, une maladie plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Et le 21 juin marque la journée internationale contre la sclérose latérale amyotrophique. Et nous vous accueillons aujourd'hui pour parler de cette maladie, surtout de ce qui est possible de faire aujourd'hui, notamment au niveau local. Déjà un mot sur la SLA. Je vous remercie de votre invitation. Donc la SLA est une maladie neurodégénérative qui atteint et rend malade les motoneurones. Ce sont des cellules spécialisées dans la commande des mouvements. Ces mouvements concernent les membres périphériques, les jambes, les bras et également en fait les muscles respiratoires. Autrement dit, les effets de cette maladie neurodégénérative ont pour conséquence la paralysie des personnes et leur difficulté à respirer sans assistance respiratoire. La particularité de cette maladie, c'est qu'elle est extrêmement rapide. Oui, c'est une maladie incurable dont on n'échappe pas. Et c'est une maladie dont on ne parvient pas encore au niveau de la recherche à ralentir le processus d'évolution. L'évolutivité de cette maladie est extrêmement rapide, ce qui rend toutes les adaptations en termes médico-sociales extrêmement compliquées. Donc c'est une maladie qui paralyse les personnes, qu'elles soient âgées ou moins âgées, en quelques semaines, voire quelques mois, et qui place les personnes dans l'obligation de devoir, si elles en font le choix, d'être assisté sur le plan respiratoire par une assistance technique. Les difficultés que nous observons en fait tiennent naturellement à l'acceptation de cette maladie extrêmement difficile à vivre et bien souvent vécue comme une injustice, mais aussi à la capacité des familles et des personnes atteintes à adapter leur habitat. On voit bien que l'évolution de la maladie ne permet pas toujours ces adaptations de l'habitat, ni non plus de faciliter le travail d'acceptation de ses effets et de ce à quoi elle conduit. Et l'idée, en effet, de l'ARSLA, qui est une association nationale, est de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre à la maladie, pour que le plus grand nombre puisse la connaître, puisse éventuellement s'engager et puisse connaître les effets. Ça suppose aussi une sensibilisation auprès des pouvoirs publics qui ont déjà réfléchi autour de la prise en charge des personnes atteintes de maladies dégénérescentes, mais cela suppose de la part des bénévoles, bien souvent endeuillés, de pouvoir informer les pouvoirs publics des effets de cette maladie et de la rapidité avec laquelle elle évolue. Donc ça suppose en effet de la part des bénévoles de se rendre disponibles à la maison des usagers, à l'hôpital, pour accueillir et accompagner les personnes malades, mais aussi les personnes aidantes. Et ça suppose aussi, en fait, de pouvoir se rapprocher des différentes institutions pour sensibiliser aux enjeux de cette prise en charge qui suppose de réunir tous les moyens possibles pour faire en sorte que les personnes ne vivent pas la double peine, c'est-à-dire d'être atteintes de cette maladie-là et de se voir limitées dans leur mouvement du fait de problèmes liés à l'environnement. Quand cette maladie se déclare, les choses évoluent très très vite. Faut aller très très vite aussi dans l'accompagnement, dans l'encadrement et puis pour les aidants aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors malheureusement, la méconnaissance de cette maladie qui est extrêmement ancienne, elle a été découverte il y a plus de 160 ans par différents neurologues, n'amène pas forcément à ce qu'elle soit parfaitement enseignée en faculté. C'est ce sur quoi en fait le plaidoyer porté par l'ARSLA, mais qui a été aussi élaboré en appui avec d'autres associations, en fait c'est ce que l'ARSLA veut voir changer, c'est-à-dire que cette maladie soit parfaitement enseignée pour faciliter le diagnostic. Les personnes traversent une errance de diagnostic qui les place aussi en situation d'attente et d'incompréhension sur ce qui leur arrive, et nous souhaitons aussi associer à une meilleure formation des professionnels, faire en sorte que l'accès aux aides appropriées se fasse le plus rapidement possible. Vous êtes bénévole, vous avez été touché dans votre famille, hein, votre maman a été touchée par cette maladie. Oui. Au niveau local, donc vous êtes investi au sein de l'ARSLA, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors en fait, mon action repose sur la rencontre des politiques qui sont extrêmement soucieux de comment il est possible d'intervenir pour adapter les modalités de prise en charge aux besoins des personnes. Ce sur quoi nous insistons beaucoup, c'est sur la question du logement. Malheureusement, les personnes qui sont atteintes de la RSLA sont des personnes qui vivent l'enfer, d'une part, d'être prisonnières de leur corps, puisqu'elles sont dépendantes à 100%. Et elles gardent toutes leurs fonctions cognitives, donc elles comprennent bien ce qui leur arrive. Et ce sont des personnes qui sont contraintes à rester à leur domicile parce que les appartements adaptés à la réglementation de la mobilité des personnes en situation de handicap, ces logements ne sont pas très nombreux. Donc là, il y a vraiment un enjeu essentiel à ce qu'il y ait la possibilité d'accueillir des personnes atteintes de la maladie, leurs familles, leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants aussi, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de ma situation personnelle, c'est donc ma mère âgée qui a été concernée par la SLA, mais il faut savoir que des personnes très jeunes, qui peuvent avoir 30, 40, 50 ans, donc chargées de famille, sont concernées par cette maladie. Et quid de la prise en charge, comment peuvent-elles être à la fois parents de leur enfant et confrontées à l'incurabilité de la maladie et à tous ses effets sans qu'on vienne les aider, notamment sur le plan de l'environnement et sur le plan matériel. L'autre aspect est aussi l'accès plus facile aux équipements qui sont quelquefois très onéreux et qui supposent en fait l'exercice de droits de compensation pour que les personnes n'aient pas à financer ce dont elles ont besoin. Alors l'association favorise le prêt d'équipements, mais dans certains cas, l'association ne dispose pas de tous les équipements nécessaires. Donc ça suppose, je vous donne un exemple extrêmement trivial, vous voyez, un siège de douche suppose quelquefois d'être très adapté à la personne et ça suppose de pouvoir payer un siège de douche très cher. Et là, la MDPH peut être mobilisée en priorisant en fait l'accès au dossier pour que en fait la personne puisse bénéficier d'un siège de douche adapté à ses besoins. Donc il y a cette prise en charge et cette prise de conscience aussi que la RSLA demande aux décideurs aujourd'hui. C'est là qu'est votre mission notamment ? Oui, tout à fait. Alors c'est une action aussi qui est nationale mais qui est aussi internationale au travers de la journée internationale la SLA qui est positionnée le 21 juin, fête oui, de la musique. Et c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Alors en fait, symboliquement, cette date a été choisie sur le plan international pour le symbole qu'elle représente d'une journée la plus longue que la nuit et pour se dire que demain sera certainement meilleur qu'aujourd'hui, teinté de l'espoir qu'il puisse y avoir un traitement contre l'évolution de la SLA et teinté de l'espoir aussi que les personnes puissent vivre dignement et que leur fin de vie soit à l'image de ce qu'elles souhaitent vivre pour ces dernières semaines auxquelles elles sont confrontées. Voilà, c'est aussi l'objet de ce plaidoyer donc de la RSLA qu'on peut certainement retrouver sur le site de l'association qui est www.arsla.org et à savoir aussi qu'on mettra sur le site de la radio votre contact si on veut avoir bien plus d'informations au niveau local. Et un mot aussi, on a cité le 21 juin, journée internationale contre la sclérose latérale amyotrophique, mais la RSLA souhaite aussi que ce mois de juin, plus symboliquement tout le mois, soit consacré à cette maladie. Dit avec éclat de joie. Oui, c'est une première action de sensibilisation, une première campagne de sensibilisation pour faire connaître la maladie, les difficultés qu'elle pose et la nécessité que l'on puisse apporter une solution curable aux personnes qui en sont atteintes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour conclure ? Qu'on n'ait plus peur de la SLA. Merci beaucoup Patricia Gérard. Merci à vous, un grand merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.